Chapitre 4. Vers le soir, le capitaine, pour éviter les corsaires de Barbarie, porta sur la côte de France et Adeline aperçut à la lueur du soleil couchant les rivages de la Provence, parsemés d'arbres et de riches verdures. La Luc, languissant et malade, s'était retirée dans la chambre où Claire prenait soin de lui. Le pilote à la barre du gouvernail, dirigeant le vaisseau à travers les flots bruyants, et un matelot, les bras croisés, appuyé contre le mât, chantant de temps en temps quelques tristes couplets, étaient les seules personnes qu'il y eut sur le tillac, excepté Adeline. Cette dernière contemplait en silence le soleil couchant, qui donnait une couleur jaunâtre aux vagues et aux voiles, légèrement enflées par l'haleine du vent qui commençait alors à tomber. Le soleil se plongea enfin dans l'océan, et le crépuscule s'empara de toute la scène, permettant encore de voir la côte obscure et donnant un air majestueux à la vaste étendue des eaux. À mesure que les ombres s'épaissirent, la scène devint encore plus silencieuse. Le matelot même avait cessé de chanter. On n'entendait plus que le cliquetis des vagues contre le vaisseau et leur plus faible murmure sur les cailloux du rivage. L'esprit d'Adeline était d'accord avec le calme de la nuit. Le bruit des flots lui inspira une mélancolie tranquille. Il était assis dans la plus profonde rêverie. Le moment présent lui rappela son voyage sur le Rhône, quand, fuyant les poursuites du marquis de Montalt, elle avait fait de si grands efforts pour se soustraire à la triste destinée qu'il lui réservait. Alors, comme aujourd'hui, elle avait vu la nuit étendre insensiblement son voile sur la nature. Elle se rappelait des sensations désagréables qui avaient accompagné l'impression que ces objets avaient occasionnée. Alors elle n'avait pas d'amis, pas d'asile. Elle n'était pas sûre de pouvoir échapper aux poursuites de son ennemi. Actuellement, elle avait de tendres amis, une retraite assurée, et n'éprouvait pas les terreurs dont elle était alors agitée. Mais néanmoins, elle se trouvait toujours malheureuse. Le souvenir de Théodore qui l'avait si tendrement aimée, qui avait tant souffert pour elle, et dont le sort lui était aussi inconnu que lorsqu'elle avait remonté le Rhône, lui causait de continuelles angoisses. Elle paraissait plus éloignée que jamais de la possibilité d'apprendre de ses nouvelles. Quelquefois, elle concevait une faible espérance qu'il avait échappé à la malice de son persécuteur. Mais quand elle considérait la haine et la vengeance de ce dernier, et la sévérité de la loi contre une attaque faite sur un officier supérieur, cette lueur d'espérance s'évanouissait, et la laissait dans les pleurs et dans le désespoir. Elle resta dans cette situation jusqu'à ce que la lune sortît du sein de l'océan et répandit son lustre vacillant sur la surface des eaux. Mais bientôt le silence de la nuit lui laissa entendre une si douce harmonie qu'elle ressemblait plutôt à la musique des dieux qu'à celle des mortels. Elle frappait son oreille d'une manière si tendre, si agréable, qu'elle la fit subitement passer de son état de détresse à celui de l'espoir et de l'amour. Elle pleura de nouveau, mais elle n'aurait pas échangé de pareilles larmes pour celles du plaisir et de la joie. Elle regarda autour d'elle, mais n'aperçut ni vaisseau ni chaloupe. Et comme ses sons mélodieux se prolongeaient sur les ailes des vents, elle crut qu'ils partaient du rivage. Quelquefois la brise les emportait dans le lointain, et les rapportait ensuite avec une douceur languissante. Les chaînons de l'air ainsi rompus, c'était plutôt de la musique que de la mélodie qui frappait ses oreilles. Jusqu'à ce que, le vaisseau s'approchant graduellement de la côte, elle distingua les notes d'une chanson qui lui était familière. Elle tâcha en vain de se rappeler où elle l'avait entendue. Cependant, son cœur battait presque involontairement de quelque chose de ressemblant à l'espérance. Elle continua d'écouter jusqu'à ce que la brise eût de nouveau enlevé les sons. Elle s'aperçut alors avec regret que le vaisseau s'en éloignait, et à la fin, ils ne tremblèrent plus que faiblement sur les vagues, se perdirent à une grande distance et ne furent plus entendus. Elle resta longtemps sur le tillac, ne voulant point renoncer à l'espoir de les entendre encore, et l'imagination toujours pleine de leur douce harmonie. Mais à la fin, elle se retira dans la chambre, accablée d'un chagrin que l'occasion ne semblait pas justifier. La santé de la Luc s'amanda dans la traversée, ses esprits se ranimèrent, et quand le vaisseau entra dans cette partie de la Méditerranée, appelée le golfe de Lyon, il se trouva assez bien pour monter sur le tillac et jouir de la belle perspective qu'offraient les rivages mourants de la Provence qui se joignent aux côtes éloignées du Languedoc. Adeline et Claire, qui le regardaient avec inquiétude, se réjouirent de le voir mieux portant, et les tendres souhaits de cette dernière lui faisait déjà anticiper sa parfaite guérison. Adeline avait trop souvent été trompée dans son attente pour s'abandonner aussi facilement à l'espoir de son amie. Cependant, Elle comptait beaucoup sur l'effet d'un pareil voyage. Après un agréable voyage de quelques jours, le rivage de la Provence s'éloigna, et celui du Languedoc, qui bordait depuis longtemps l'horizon, devint le grand objet de la scène, les matelots s'approchant du port où ils étaient destinés. Ils débarquèrent dans l'après-midi à une petite ville située au pied d'une colline bien boisée, commandant à droite une vue de la mer, et à gauche les riches plaines du Languedoc, ornées du pourpre des vignobles. La Luc résolut de différer son voyage jusqu'au jour suivant, alla à une petite auberge qu'on lui indiqua à l'extrémité de la ville et tâcha de se contenter des commodités qu'elle pouvait offrir. Sur le soir, la beauté du temps et le désir de voir de nouvelles scènes engagèrent Adeline à la promenade. La Luc, étant fatiguée, ne voulut pas sortir, et Claire l'eut accompagnée. Adeline dirigea ses pas vers le bois qui s'élevait du bord de la mer et gagna le sommet de l'éminence. Quand elle y fut parvenue et qu'elle découvrit la sombre cime des arbres dans les perspectives étendues et variées, elle demeura dans une extase qu'il est impossible d'exprimer, et sans faire attention à la fuite du temps, resta jusqu'à ce que le soleil eût quitté l'horizon et le crépuscule jeté son voile majestueux sur les montagnes. Il n'y avait plus que la mer qui réfléchissait la splendeur mourante de l'Occident. Adeline, s'abandonnant au plaisir d'émotions tendres et agréables, répéta les vers qui suivent. L'aimable demi-jour, avant-coureur de l'ombre, sur la pourpre des monts verse une teinte sombre. La lumière s'enfuit et laisse sans couleur des bois et des vallons les tableaux enchanteurs. Toutefois, à travers l'obscurité nouvelle, la mer à l'Occident d'un feu pur étincelle, et de rayons encore l'horizon couronné forme au palais du soir un dôme illuminé. À mes pensées rêveurs cette image si chère, je veux la voir du haut de ce roc solitaire, la voir jusqu'au moment où le cristal des eaux répétera du ciel les nocturnes flambeaux, où la lune, épanchant sa lumière empruntée, fera briller au loin cette écume argentée, dont le retour des flots, l'un par l'autre pressé, lave les sables d'or qui les ont repoussés. À travers le silence aucun son ne m'arrive, hors le son de la vague expirant sur la rive, ou les chants du rameur prolongés dans les airs, ou l'aviron lointain qui bat les flots amers. Doux repos, puisse ainsi mon dernier jour se clore, et du jour éternel me présager l'aurore. Adeline quitta les hauteurs et suivit un sentier étroit qui conduisait au rivage. Son esprit était alors plus particulièrement susceptible de belles impressions, et le chant mélodieux du rossignol excita de nouveau son enthousiasme. Ô rossignol, harmonieux enfant de la mélancolie, ah, prolonge pour moi ta douce mélodie, quand le soir, dans l'azur d'un couchant radieux, il vend lentement son vol silencieux, du sommet des hauteurs et des forêts plus sombres, vient tirer sur les champs le grand rideau des ombres, aux rayons que la lune épanche dans les airs, que j'aime à m'égarer sur des côtes déserts, à suivre les vallons par une oblique route. Cher oiseau, j'interromps mes pas et je t'écoute, jusqu'à l'heure où la nuit, à l'entour des hameaux, fait revenir les morts du fond de leurs tombeaux. Des pays que l'été s'est choisi pour domaine, sur l'aile des zéphyrs le printemps te ramène et t'a fait voyager par de douces chaleurs, suivi de la rosée et de l'esprit des fleurs. Oh, que ta longue absence affligeait ta patrie, harmonieux enfant de la mélancolie, qui cherche dans les bois, sous des rameaux épais, un asile écarté pour y gémir en paix. Tandis qu'une lueur se mêle à l'ombre obscure, fais entendre ta voix si touchante et si pure. Oui, recommence encore ce concert ravissant que le zéphyr du soir emporta en gémissant. Aux souffrances du cœur, ta complainte assortie charme de mes pensées la triste sympathie. À tes accents plaintifs, dans la paix de la nuit, l'imagination évoque et reproduit les amis dont nous prive une éternelle absence. Nos plaisirs, tant de fois trompés par l'espérance, couleuvre que l'amour nous cachait sous des fleurs, et de ressouvenirs nous répandons des pleurs. La mémoire à l'instant revêt de tout leur charme, les tons passionnés, le sourire, les larmes, qui surprirent un cœur facile à décevoir. Ce cœur en pousse encore un soupir sans espoir. Son pinceau rajeunit sur nos scènes passées des couleurs que le temps avait presque effacées, et l'amour assoupi, s'éveillant à sa voix, reprend pour nous frapper son arc et son carquois. Tes chants, sur cette image où le regret nous lie, répandent les traits de la mélancolie et ce calme serein, si plein de volupté, que la joaillerie n'ont jamais enfanté. Redis, aimable oiseau, ta plaintive romance, si chère au sentiment, si chère à l'innocence. L'obscurité rappela enfin à Adeline son éloignement de l'auberge et qu'elle avait un grand bois à traverser. Elle dit adieu à l'enchanteur qui l'avait retenue si longtemps et suivit le sentier à pas redoublés. Après avoir marché pendant quelque temps, elle se perdit et l'obscurité plus grande encore ne lui permit pas de juger de quel côté elle allait. Ses craintes augmentèrent ses difficultés. Elle crut distinguer des voix d'hommes à quelque distance et redoubla de vitesse jusqu'à ce qu'elle se trouvât sur le rivage sur lequel le bois était pour ainsi dire suspendu. Elle était alors tout hors d'haleine. Elle s'arrêta un moment pour se remettre et écouta avec timidité, mais au lieu de voix d'homme, elle entendit faiblement dans les airs les notes d'une plaintive musique. Son cœur, toujours sensible aux impressions de la mélodie, s'attendrit à ces sons et ce doux enchantement dissipa, pour un moment, sa frayeur. Il se joignit à son plaisir un mélange de surprise et lorsqu'à mesure que la musique s'approcha, elle distingua le son de l'instrument et cet air si connu qu'elle avait, quelques jours auparavant, entendu sur les côtes de la Provence. Mais elle n'eut pas le temps de faire des conjectures. Le bruit des pas redoublait et elle se hâta davantage. Elle était sortie de l'obscurité des bois et la lune, alors sans nuages, laissait apercevoir sur le sable uni le port et la ville à une certaine distance. Les pas qu'elle avait entendus ne tardèrent pas à l'atteindre et elle aperçut deux hommes, mais ils passèrent sans faire attention à elle. Et elle crut reconnaître la voix de celui qui parlait alors. Ces sons étaient si familiers à son oreille qu'elle fut surprise de son défaut de mémoire en ne reconnaissant pas sur le champ celui qui les prononçait. Elle entendit d'autres pas, et une voix brusque lui commanda de s'arrêter. Tournant aussitôt les yeux, elle aperçut imparfaitement un homme en habit de matelot qui renoubla le même ordre. Poussée par la terreur, elle se mit à fuir le long du rivage, mais sa course était timide et tremblante, celle de l'homme qui la poursuivait prompte et vigoureuse. Elle eut à peine assez de force pour joindre les deux hommes qui venaient de passer et d'implorer leur protection avant d'être atteinte par ce drôle-là qui s'enfonça subitement dans le bois sur la gauche et disparut. Elle était tellement essoufflée qu'elle ne put répondre aux questions des étrangers qui la soutenaient que lorsqu'une exclamation soudaine et le son de son nom attirèrent ses yeux sur la personne qui le prononçait et au clair de lune qui donnait fortement sur son visage, elle reconnut M. Verneuil. Ils éprouvèrent alors une satisfaction mutuelle et il s'ensuivit des explications. Quand il sut que la Luc et sa fille étaient à l'auberge, il trouva un double plaisir à l'y reconduire. Il dit qu'il avait rencontré un ancien ami en Savoie, qu'il présenta sous le nom de Moron, qu'il avait engagé à changer de route et à l'accompagner sur les côtes de la Méditerranée. Il s'était embarqué en Provence, il y avait quelques jours, et ne faisait que débarquer sur la terre de M. Moron. Adeline ne douta plus que ce ne fût l'afflux de M. Verneuil qui lui avait causé tant de plaisir à le long cours qu'elle avait entendu sur la mer. Quand ils arrivèrent à l'auberge, ils trouvèrent la Luc extrêmement inquiet pour Adeline, à la recherche de laquelle il avait envoyé plusieurs personnes. Son inquiétude fit place à la surprise et au plaisir lorsqu'il l'aperçut avec M. Verneuil, dont les yeux rayonnèrent d'une manière extraordinaire en voyant clair. Après des félicitations mutuelles, M. Verneuil observa le peu de commodité que ses amis trouveraient dans cette auberge et en témoigna son chagrin. Et M. Moron les invita sur le champ à venir à son château avec une chaleur qui détruisit tous les scrupules que la délicatesse ou l'orgueil auraient pu suggérer. Les bois qu'Adeline avait traversés faisaient partie de ses domaines qui s'étendaient presque jusqu'à l'auberge, mais il insista sur ce que ses hôtes ne vinssent pas à pied et il partit pour leur envoyer sa voiture et donner des ordres pour leur réception. La présence de M. Verneuil et l'honnêteté de son ami donnèrent à la Luc une gaieté extraordinaire. Il conversa avec une vigueur et une vivacité qu'il n'avait pas montrées depuis longtemps. Et le sourire de satisfaction que Claire fit à Adeline exprima combien elle trouvait sa santé amendée par le voyage. Adeline répondit à ses regards par un sourire moins confiant parce qu'elle attribuait sa vivacité actuelle à une cause plus passagère. Environ une demi-heure après le départ de M. Moron, un garçon apporta un message de la part d'un chevalier, alors à l'auberge, qui demandait permission de parler à Adeline. L'homme qui l'avait poursuivi sur le sable lui vint à l'instant à l'esprit, et elle ne douta pas que ce ne fût quelque personne appartenant au marquis de Montalt, peut-être le marquis lui-même, quoiqu'il lui parût fort improbable qu'il l'eût découverte par hasard dans un endroit si obscur et si tôt après son arrivée. Elle s'informa du nom du chevalier, avec des lèvres et un visage pâle comme la mort. Le garçon ne le savait pas. La Luc demanda quelle sorte d'homme c'était, mais le garçon, peu accoutumé à faire des signalements, en rendit un compte si confus que tout ce qu'Adeline en put tirer fut qu'il n'était pas grand, mais de moyenne taille. Néanmoins, cette circonstance le convainquant que ce n'était pas le marquis de Montalt, elle demanda à la Luc s'il voulait lui permettre de faire entrer cet étranger. Sûrement, et le garçon se retira. Adeline attendit en tremblant jusqu'à ce que la porte s'ouvrit, et Louis de la Motte entra. Il s'avança d'un air triste et embarrassé, quoique son visage eût témoigné un moment de plaisir en jetant d'abord les yeux sur Adeline, qui était encore l'idole de son cœur. Après les premiers compliments, toutes les appréhensions d'Adeline étaient dissipées. Elle demanda à Louis depuis quand il avait vu M. et Mme Lamotte. « C'est plutôt moi qui devrais vous faire cette question, » répondit Louis un peu confus, « car je crois qu'il n'y a pas si longtemps que moi que vous ne les avez vus. » Et le plaisir que j'ai de vous voir ici est égal à ma surprise. Il y a très longtemps que je n'ai reçu des nouvelles de mon père, sans doute parce que mon régiment a changé de garnison. Ses regards témoignaient qu'il aurait voulu savoir avec qui Adeline était actuellement, mais comme c'était un sujet dont elle ne pouvait parler en présence de la Luc, elle tourna la conversation sur des choses indifférentes, après avoir dit que M. et Mme Lamotte se portaient bien quand elle les avait quittés. Louis parla peu et regarda Adeline avec anxiété, tandis que son esprit paraissait dans une grande torture. Elle le remarqua, et se rappelant la déclaration qu'il lui avait faite en quittant l'abbaye, elle attribua son embarras actuel à l'effet d'une passion mal éteinte, et parut n'y pas faire attention. Après être resté assis pendant près d'un quart d'heure dans des angoisses qu'il ne pouvait ni vaincre ni cacher, il se leva pour s'en aller, et en passant auprès d'Adeline, il lui dit à voix basse « Accordez-moi, je vous en supplie, 5 minutes de conversation particulière. » Elle hésita avec un peu de confusion, et lui disant ensuite qu'il n'y avait que des amis présents, elle le pria de s'asseoir. « Pardonnez-moi, » dit-il du même ton, « ce que j'ai à vous dire vous concerne de très près et ne regarde que vous. Faites-moi la grâce de m'entendre un moment. » Il dit cela d'un air qui la surprit, et ayant fait porter de la lumière dans une autre chambre, elle y passa avec lui. Louis s'assit et resta quelques moments en silence, paraissant être dans la plus grande agitation. À la fin, il dit « Je ne sais si je dois me réjouir ou m'affliger de cette rencontre inattendue. Cependant, pourvu que vous soyez en sûreté, je dois certainement m'en réjouir, quelque pénible que soit la tâche que j'ai à remplir. Je n'ignore pas les dangers que vous avez courus, ni les persécutions que vous avez éprouvées, et ne puis m'empêcher de témoigner mon inquiétude sur votre situation actuelle. Êtes-vous véritablement avec des amis ?»« Oui, » dit Adeline. « Monsieur Lamotte vous a informé ?»« Non, » répliqua Louis en poussant un profond soupir. « Ce n'est pas mon père. » Il s'arrêta. « Mais je suis vraiment charmé que vous soyez en sûreté, » reprit-il. « Oh, que cela me fait plaisir. Si vous saviez, aimable Adeline, ce que j'ai souffert. » Il s'arrêta. « Je croyais que vous aviez quelque chose d'important à me communiquer, monsieur, » dit Adeline. « Excusez-moi si je vous rappelle que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. » « Oui, vraiment, c'est quelque chose d'important, » répliqua Louis. « Mais je ne sais comment vous l'annoncer. Comment adoucir ? Cette tâche est trop cruelle. Hélas, mon pauvre ami. » « De qui parlez-vous, monsieur ? » dit Adeline avec précipitation. Louis se leva de sa chaise et se promena de long en large dans la chambre. « Je voudrais, » ajouta-t-il, « vous préparer pour ce que j'ai à dire, mais je n'en suis réellement pas capable. » « Je vous supplie de ne pas me tenir plus longtemps en suspens, » dit Adeline, qui soupçonnait violemment que c'était de Théodore qu'il voulait parler. Louis hésita encore. « Est-il, aurait-il, dites-moi, je vous en conjure, ce qu'il y a de pire tout d'un coup, » dit-elle dans les plus vives angoisses. « Je puis tout entendre, oui, je le puis. » « Mon malheureux ami, » s'écria Louis. « Oh, Théodore !»« Théodore ?» répéta faiblement Adeline. « Il existe donc ?»« Oui, » dit Louis, mais... » Il s'arrêta. « Mais quoi ?» s'écria Adeline en tremblant violemment. « Puisqu'il vit, vous ne pouvez rien m'apprendre de pire que ce que ma frayeur m'avait suggéré. C'est pourquoi je vous prie de ne pas hésiter. » Louis s'assit de nouveau et prenant un air plus composé, dit « Il vit, madame, mais il est prisonnier et... Car pourquoi vous tromper? Je crains qu'il ne lui reste guère d'espoir pour ce monde. » « Il y a longtemps que j'ai les mêmes craintes, » dit Adeline en affectant un ton plus calme. « Vous avez quelque chose de plus terrible que cela à m'annoncer, et je vous supplie encore une fois de vouloir bien vous expliquer. » « Il y a tout à appréhender de la part du marquis de Montalt, » dit Louis. « Hélas, pourquoi dis-je appréhender? Son jugement est déjà terminé. Il est condamné à mort. » À cette confirmation de ses craintes, la pâleur de la mort se répandit sur le visage d'Adeline. Elle resta sans mouvement et essaya de soupirer, mais parut presque suffoquée. Effrayée de son état et s'attendant à la voir s'évanouir, Louis voulut la soutenir, mais elle l'éloigna de la main, incapable de prononcer une parole. Il appela du secours, et là Luc-Claire et M. Verneuil, informés de l'indisposition d'Adeline, volèrent auprès d'elle. Au son de leur voix, elle leva les yeux et sembla se remettre. Elle poussa un profond soupir et fondit en larmes. La Luc se réjouit de l'avoir pleuré, encouragea ses larmes, qui au bout de quelque temps la soulagèrent. Et quand elle fut en état de parler, elle désira retourner dans la chambre de la Luc. Louis l'y accompagna. Quand elle fut beaucoup mieux, il voulut se retirer, mais la Luc le pria de rester. « Vous êtes peut-être un parent de cette jeune demoiselle, monsieur, » dit-il, « et vous lui apportez probablement des nouvelles de son père. »« Non, monsieur, » répliqua Louis en hésitant. « Ce monsieur-là, » dit Adeline, qui avait alors rassemblé ses esprits, « est le fils de monsieur Lamotte dont vous m'avez entendu parler. » Louis parut choqué d'être connu pour le fils d'un homme qui en avait autrefois agi si mal envers Adeline, qui, s'apercevant à l'instant de la peine que ses paroles lui avaient causée, s'efforça d'en adoucir les faits, en disant que Lamotte l'avait sauvé d'un danger imminent et lui avait donné un asile pendant plusieurs mois. Adeline était fort inquiète de savoir toutes les particularités de la situation de Théodore, mais elle n'avait pas le courage de renouveler la conversation sur ce sujet en présence de la Luc. Elle se hasarda néanmoins de demander à Louis si son régiment était en garnison dans la ville. Il répondit que son régiment était à Vassau, ville située sur les frontières d'Espagne, qu'il venait de traverser une partie du golfe de Lyon dans le dessein de se rendre en Savoie et qu'il partirait le lendemain de grand matin. « Nous en venons, » dit Adeline. « Puis-je vous demander dans quelle partie de la Savoie vous allez ?»« À Lenoncourt, » répliqua-t-il. « À Lenoncourt ?» dit Adeline avec quelque surprise. « Je ne connais pas le pays, » ajouta Louis, « mais j'y vais pour obliger mon ami. » « Il paraît que vous connaissez le long cours. »« Sûrement, » dit Adeline. « Vous savez donc probablement que M. Laluc y demeure, et vous devinerez aisément le motif de mon voyage. »« Au ciel, est-il possible, » s'écria Adeline, « est-il possible que Théodore Perroux soit un parent de M. Laluc ?»« Théodore, que dites-vous de mon fils ?» demanda Laluc avec crainte. « Votre fils ?» dit Adeline d'une voix tremblante. « Votre fils ?» L'étonnement et la douleur peints sur son visage augmentèrent les appréhensions de cet infortuné père, et il répéta sa demande. Mais Adeline fut incapable de lui répondre, et la détresse de Louis, en découvrant d'une manière si inattendue le père de son malheureux ami, sachant qu'il était chargé de l'informer du sort de son fils, le priva pendant quelque temps de l'usage de la parole. Et la Luc et Claire, dont les craintes étaient augmentées par ce cruel silence, répétèrent de nouveau leurs questions. À la fin, le sentiment des souffrances qu'allait éprouver le bon Laluc surmontant toute autre considération, Adeline recouvra ses deux forces d'esprit pour essayer d'adoucir la nouvelle que Louis avait à lui communiquer et pour conduire Claire dans une autre chambre. Là, elle l'informa, de la manière la plus tendre, des circonstances de l'état de son frère, lui cachant néanmoins qu'il savait sa sentence déjà prononcée. Dans cette relation, elle fut obligée de faire mention de leur attachement. Et Claire vit dans l'ami de son cœur la cause innocente de la ruine de son frère. Adeline apprit en même temps la circonstance qui avait contribué à la tenir dans l'ignorance que Théodore fut parent de Laluc. Elle fut informée que le premier avait pris le nom de Perroux en prenant possession d'une terre qui lui avait été laissée à cette condition par un parent de sa mère. Théodore avait d'abord été destiné pour l'Église, mais son inclination lui fit désirer une vie plus active que celle de prêtre. Et lorsqu'il s'était vu maître de ce bien, il était entré au service de France. Dans le petit nombre d'entrevues interrompues qu'ils avaient eues à Caux, Théodore n'avait parlé à Adeline de sa famille qu'en termes généraux, et ainsi quand ils furent si subitement séparés, il l'avait sans dessein laissé dans l'ignorance du nom de son père et du lieu de sa résidence. La délicatesse de la douleur d'Adeline, qu'il ne lui avait jamais permis de parler de son objet, même à Claire, avait depuis contribué à la tromper. La détresse de Claire, en apprenant l'état de son frère, ne connut pas de bornes. Adeline, qui par un grand effort d'esprit était parvenue à lui faire part de cette fâcheuse nouvelle d'un air assez composé, se trouva accablée par sa douleur et par celle de Claire. Tandis qu'elle pleurait amèrement, une scène, peut-être plus touchante, avait lieu entre la Luc et Louis, qui crut nécessaire de l'instruire, quoique avec précaution et graduellement, de toute l'étendue de son malheur. Il dit donc à la Luc que quoique Théodore eût d'abord passé au conseil de guerre pour avoir quitté son poste, il était actuellement condamné pour avoir attaqué son général, le marquis de Montalt, qui avait produit des témoins pour prouver que sa vie avait été en danger dans cette occasion et qui, ayant poursuivi l'affaire avec la plus grande rancune, avait finalement obtenu la sentence que la loi exigeait, mais dont tous les officiers du régiment étaient désolés. Louis ajouta que cette sentence devait être mise à exécution en moins de 15 jours et que Théodore, extrêmement malheureux de ne pas recevoir de réponse aux différentes lettres qu'il avait écrites à son père, désirait le voir encore une fois et, sachant qu'il n'y avait pas de temps à perdre, l'avait prié d'aller à Lenoncourt pour l'informer de sa situation. La Luc écouta cette relation de l'état de son fils avec un serrement de cœur qui ne lui permit pas de répandre une seule larme ou de pousser aucune plainte. Il demanda où était Théodore, et voulant l'aller trouver, il remercia Louis de toutes ses peines et ordonna sur le champ des chevaux de poste. On lui procura aisément une voiture, et ce malheureux père, après avoir fait de tristes adieux à M. Verneuil et des remerciements à M. Moron, partit avec sa famille pour la prison de son fils. Le voyage fut très silencieux, chacun tâchant, par égard pour les autres, de supprimer l'expression de sa douleur, mais ne pouvant en faire davantage. La Luc avait l'air calme et résigné. Il paraissait souvent en prière, mais on apercevait quelquefois sur son visage les efforts qu'il faisait pour conserver cet air de résignation, quoiqu'il voulût les cacher.